Annotation sur les cinq tarots principaux mentionnés à la fin de Usul Thalatha. Par Sheikh Ali Al-Khudair, qu'Allah le libère. Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit: Allah obligea tous ses serviteurs de désavouer le tarot et d'avoir foi en Allah. L'imam ibn Al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Le tarot est tout ce dans quoi l'homme dépasse ses limites envers ce qu'il adore et ce qu'il suit ou ce à quoi il obéit. Nombreux sont les tarots, mais il y en a cinq à leur tête. 1. Iblis, qu'Allah le maudisse. 2. Celui qui se fait adorer en l'agréant. 3. Celui qui incite les gens à l'adorer. 4. Celui qui prétend quoi que ce soit de l'inconnu. 5. Celui qui juge par autre loi que celle d'Allah. Et cela est indiqué par la parole d'Allah. Nulle contrainte en religion. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement, donc quiconque met croit au tarot tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Sourate 2, verset 256. Et ceci est la signification de « Il n'y a pas de divinité autre qu'Allah, la ilaha illallah ». Et dans le hadith, l'ordre majeur est l'islam. Son pilier de soutien est la prière, et l'apogée de son sommet est le combat dans le sentier d'Allah. Et Allah est plus savant. Ensuite, l'auteur énonça les thèmes concernant le tarot, son statut, ses catégories et ses principaux types. Il dit « Allah obligea à tous ses serviteurs de désavouer le tarot ». L'auteur commença donc par donner le statut du désaveu du tarot avant de le définir. Alors qu'en général, on commence d'abord par définir la chose et puis seulement après, on en donne le statut. Mais il n'y a pas de mal à cela. Le thème, le statut du désaveu du tarot. L'auteur dit « Allah obligea tous ses serviteurs de désavouer le tarot ». Le désaveu est une obligation imposée à tout un chacun des serviteurs d'Allah, que ce soit les hommes ou les djinns. Comment désavouer le tarot? Cela se divise en trois étapes. 1. Désavouer l'espace même du tarot dans le cœur en le détestant et en souhaitant sa disparition. S'opposer à lui et éprouver de la répulsion pour lui. Ceci est une obligation perpétuelle qui ne tombe en aucun cas, pas même sous la contrainte, car la contrainte ne peut avoir d'effet sur la conviction du cœur, comme le souligna l'auteur à la fin de son ouvrage, Kashf al-Shubuhat. 2. Désavouer l'espèce même du tarot de sa langue, et ceci se concrétise en attestant oralement que le tarot est un mécréant, qu'il ne vaut rien, que ses serviteurs qui l'adorent sont des mécréants aussi. Allah a dit, « Dis, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. » C'est-à-dire, « Dis de ta langue. » Et Allah a dit, « Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Je désavoue ce que vous adorez. » Mais en cas d'incapacité, l'obligation du désaveu de la langue tombe, comme le prouve la parole d'Allah. « Craignez Allah autant que vous le pouvez. » Mais ceci à condition que cela soit une réelle incapacité. 3. Désavouer le tarot de sa main consiste à le briser et le faire disparaître. Et ceci est une obligation dès qu'il y en a la capacité. Et la preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam brisa les idoles et les statuettes lorsqu'il conquit la Mecque et envoya aussi des compagnons pour détruire les idoles des alentours. La définition du tarot. Définition linguistique, tirée du mot tourian, qui signifie déborder. Ou transgresser, ou augmenter, comme par exemple « Taralma, l'eau a débordé ». Définition conventionnelle. Plusieurs expressions furent utilisées par les salafs quant à la définition du tarot. D'après Omar, qu'Allah l'agrée, le tarot est shaitan, comme le rapporte Ibn Abi Hatim. D'après Jaber, le tarot est le médium, ou le devin. Et l'imam Malek dit « C'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ». Mohammed ibn Sirin lui définit le tarot comme étant le sorcier. Il fut aussi dit que le tarot désigne les perfides des gens du livre. Ceci est mentionné par Ibn Jawzi dans son tafsir Zad al-Masir, dans l'interprétation du verset Al-Kursi. On remarque de toutes ces définitions du tarot que chacun en définit le tarot en donnant un exemple concret. Mais la définition globale du tarot est la définition d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Le tarot est tout objet de culte modèle que l'on suit, ou maître, à qui on obéit, qui amène l'homme à dépasser ses limites. Tout objet de culte, c'est ce qu'ont défini l'imam Malik et Omar. modèle que l'on suit, comme les perfides des gens du livre. Maître à qui on obéit, comme les sorciers, les devins, et tout magistrat, savant du mal, ou chef d'État et serviteur du mal. Mais il y a une définition plus précise encore que celle d'Ibn Qayyim. Le tarout est tout ce qui transgresse dans la mécréance. Exemple. Celui qui arrête de faire la prière est mécréant. Et celui qui, en plus de ça, incite les autres à arrêter de prier, ou punit celui qui fait la prière. Celui-là a transgressé dans la mécréance, c'est donc un tarout. Celui qui offre un sacrifice à un autre qu'Allah, c'est de l'idolâtrie. S'il incite les autres à offrir des sacrifices à un autre qu'Allah et l'embellit aux gens, alors il a transgressé dans la mécréance et c'est un tarout. Lorsqu'il permet ce qu'Allah a interdit, il transgresse dans la mécréance et cela inclut les gardiens du shirk. On peut constater d'après la définition d'Ibn Qayyim que le tarout est de trois catégories. 1. Le tarout adoré. Cela englobe tout ce qui est satisfait d'être adoré en dehors d'Allah, et cela inclut quiconque incite les gens à l'adorer, ainsi que Shaitan et les idoles. 2. Le tarout suivi. Cela inclut les savants du mal et les adorateurs égarés. 3. Le tarout obéi. Cela inclut les dirigeants et chefs de tribus qui permettent et interdisent en dehors d'Allah. Cela inclut également les devins, les sorciers et les magistrats qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ainsi que ceux qui inventent des lois. Les principaux tawarites. Il y a beaucoup de tarouts, mais leurs leaders principaux sont au nombre de 5, comme on le constate après déduction. L'auteur mentionna un 6e tarout dans un autre de ses textes, le gouverneur injuste qui change les lois d'Allah. Dès lors, il y a 6 principaux tarouts. Iblis, qu'on peut également nommer Shaitan, ce qui sera plus global qu'Iblis, car Shaitan inclut également tout démon ou être humain. La preuve de cette sorte de tarout est la parole de Omar ibn al-Khattab, que le tarout est Shaitan, rapporté par Ibn Abi Hatim. L'aspect sous lequel Iblis ou Shaitan est un tarout, c'est qu'il transgresse dans la mécréance qu'il a commise en embellissant cette mécréance et en incitant, voire en l'ordonnant aux autres. Cette sorte de tarout, Iblis et Shaitan, est le plus grand des tarouts et le pire, car il s'est rendu coupable de plusieurs formes de tourian. Il incite à l'adoration de lui-même, il incite à l'adoration d'autres créatures, il incite à changer les lois d'Allah et aide à donner des informations à ceux qui prétendent connaître l'inconnu. Celui qui est satisfait d'être adoré, adoré avec soumission et humilité, par quelque adoration que ce soit, offrande, imploration du secours ou quelque chose de ce genre. Celui qui est satisfait. Cela exclut donc ceux qui n'en sont pas satisfaits, comme Issa, Jésus, alayhi salam. On ne peut le considérer comme un tarout, qu'Allah nous en préserve, car il n'en fut jamais satisfait. La forme de transgression des limites ici est d'être satisfait que l'on commette de l'idolâtrie ou de la mécréance pour soi. Celui qui incite les gens à l'adorer, l'auteur, n'a pas mentionné ce genre de tarout dans son texte sur le tarout. Cela concerne toute personne qui incite les gens à lui vouer un culte. Lorsqu'il dit à l'adorer, cela concerne autant le sens large que l'adoration, comme l'imploration et l'appel au secours dans les moments difficiles, en lui demandant de l'aide là où seul Allah est capable d'aider. Tout comme cela concerne le sens particulier, comme l'offrande, le vœu. Et ce genre-là est pire que celui d'avant. Pourquoi ? Car celui d'avant est satisfait de l'adoration qu'on lui voue sans y avoir incité les gens. Alors que celui-ci est non seulement satisfait d'être adoré, mais en plus il incite les gens. Et lorsqu'on dit les gens, c'est en général des humains. Mais cependant, s'il incite des djinns à lui vouer un culte, il aura le même statut. Et on trouve ce genre de gens dans certaines régions qui disent aux gens « Implorez-moi, implorez mon aide et j'exaucerai vos souhaits » comme l'on trouve dans certaines confréries soufis. Celui qui prétend connaître quoi que ce soit de l'inconnu, cela englobe, inclut quiconque prétend connaître l'invisible, qu'il soit musulman, mécréant, homme ou femme. Quoi que ce soit est indéterminé, cela inclut donc celui qui prétend même une seule fois connaître une seule chose de l'invisible. Et l'invisible, al-ghayb, est un mot tiré du verbe rab, expression de ce qui nous est caché, ou bien ce qui ne peut être perçu par les sens, et cela se divise en 2 catégories. 1. Ce qui est totalement inconnu, nommé également l'inconnu de l'avenir. Nous pouvons le définir comme étant ce que seul Allah connaît. Exemple, l'heure de la fin du monde, la mort de chaque être humain. Tout ce qui fut mentionné dans le verset Sourate 31, verset 34. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah, c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. 2. Ce qui est relativement inconnu, nommé également l'inconnu du passé et du présent. Il s'agit de ce qui t'est caché à toi, mais qu'autre que toi peut savoir. Ce qui se passe derrière ce mur est inconnu pour toi, mais connu par ceux qui se trouvent de l'autre côté et qui en sont témoins. Les différentes sortes de ceux qui prétendent connaître l'inconnu. Les astrologues, les devins, les médiums, les sorciers, les géomanciens et autres prétendant connaître l'inconnu par quelque moyen que ce soit. La seule différence entre tous ces gens qui prétendent tous connaître l'inconnu, c'est le moyen qu'ils prétendent utiliser pour s'enquérir de la connaissance de l'inconnu. Celui qui prétend connaître l'inconnu au moyen des astres, c'est un astrologue. Celui qui prétend connaître l'inconnu au moyen des lignes qu'il dessine au sol, c'est un géomancien. Comment s'adresse-t-on au géomancien ? Lorsqu'on veut par exemple entreprendre un commerce ou un voyage, le géomancien va rapidement tracer des lignes par terre, sans en compter le nombre. Puis il va effacer ces lignes deux par deux. S'il ne reste à la fin que deux lignes, alors il affirmera que c'est un bon signe et encouragera d'entreprendre ce commerce ou ce voyage. Des fois aussi, il utilise des pierres au lieu de lignes. Il prend une poignée de pierres qu'il rassemble, puis enlève les pierres deux par deux. Et s'il ne reste qu'une seule pierre, alors il annonce que c'est un mauvais signe. Et s'il reste deux pierres, alors c'est un bon signe. Il utilise aussi des cartes ou des bâtons ou d'autres choses. Celui qui prétend connaître l'inconnu au moyen des oiseaux. Lorsqu'on veut entreprendre un voyage ou un mariage, il lance un oiseau. Si l'oiseau s'en va vers la droite, alors c'est un bon signe. Et s'il s'en va vers la gauche, alors c'est un mauvais signe. Celui qui prétend connaître l'inconnu au moyen des djinns et de ce qu'il lui rapporte, c'est un devin ou un médium. Sauf que le médium, lui, se base sur les informations volées par les diables. Alors que le devin, lui, lit, soi-disant, dans les âmes. Le sorcier prétend également connaître l'inconnu avec l'aide des djinns. Il y a une série de choses. Sont-elles, oui ou non, considérées comme prétendre connaître l'inconnu ? 1. La prévision des éclipses solaires et lunaires. Si c'est sur base de calculs et d'appareils technologiques, alors ce n'est pas considéré comme prétendre connaître l'inconnu. Notons cependant qu'il ne faut pas être catégoriquement convaincu que l'éclipse se produira, et nous ne devons ni croire ni démentir celui qui l'annonce, comme pour les récits des fils d'Israël. Et lorsqu'on s'y prépare en faisant son ablution et en partant à la mosquée, avant d'apercevoir l'éclipse de ses yeux ou d'entendre l'appel à la prière, c'est une manière de croire en la prévision, car les gestes peuvent être une forme de reconnaissance. 2. La prévision météorologique. D'après la force du vent ou des chutes de pluie ou les changements climatiques, ceci n'est pas considéré comme étant prétendre connaître l'inconnu, car ces choses peuvent être connues au moyen de calculs et des appareils technologiques. Mais il ne faut pas être catégorique, convaincu de ces prévisions et lier cela à la volonté d'Allah. 3. Prévoir la présence d'eau souterraine. Si par des moyens sensoriels, alors ce n'est pas une façon de prétendre connaître l'inconnu. 4. Retrouver un voleur ou une personne qui s'est perdue grâce à ses traces de pas ou ses empreintes. Ceci n'est pas considéré comme prétendre connaître l'inconnu, car c'est basé sur des moyens sensoriels et logiques. C'est pourquoi il est mentionné dans le Sahih d'Al-Bukhari que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entra chez Aïcha Kalalagé, tout heureux, et dit « Tu as entendu ce qu'a dit Majziz lorsqu'il vit les pas d'Oussama ibn Zayd et son père Zayd ? Il dit « Ses pas viennent l'un de l'autre ». Mais en observant les traces, on peut affirmer qu'il s'agissait des pas d'une seule personne, ce qui prouve la permission de se baser sur les empreintes. 5. L'intuition n'est également pas considérée comme prétendre connaître l'inconnu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Prenez garde de la perspicacité du croyant ». Et Omar était célèbre pour son flair, au point qu'il vit un jour un homme pour la première fois et il dit « Je suis sûr que c'est un médium ». Et il en fut comme il l'avait pressenti. 6. Ce qu'on appelle lire dans la main, en se basant sur l'interprétation des lignes de la main et de ses tortuosités. Puis après avoir examiné tes mains, Il prédit ton malheur ou ton bonheur. Ceci est considéré comme prétendre connaître l'invisible. 7. Ce qu'on appelle lire dans les tasses. Cela consiste à ce que tu boives dans un verre et une fois que tu l'as vidé, il le tourne plusieurs fois, puis regarde ce qui s'est accroché au bord du verre, comme ligne des restes de café. Si cela prend des formes de serpent, alors c'est un mauvais signe. Et si cela ressemble à une fleur, alors c'est un bon signe. Et il t'encouragera dès lors à voyager ou te marier. 8. Ce qu'on appelle lire dans le feu. C'est le fait de prétendre connaître l'inconnu en regardant la forme des flammes d'un feu. Si cela ressemble à un marteau ou une hache, il t'annoncera qu'il va t'arriver malheur et il t'interdira de voyager. Et si cela prend la forme d'un arbre, il t'encouragera à te marier, etc. 9. Ce qu'on appelle ouvrir le Coran. Lorsqu'un homme désire se marier, par exemple, il prend un livre ou un Coran et l'ouvre au hasard, puis regarde le premier mot de la page. Si c'est un verset sur la miséricorde ou bien un joli mot, alors c'est un bon signe et il se marie. Sinon, c'est un mauvais signe et il l'abandonne. Et tout ceci, les points 7, 8 et 9, sont des formes de devin et médium et c'est de la mécréance. 10. Ce que l'on appelle le spiritisme. C'est une expression désignant le fait d'invoquer la présence des djinns à l'aide de formules ou d'amulettes et d'idolâtrie. Le djinn s'incarne alors sous la forme d'une personne ou alors prend sa voix ou bien révèle des événements antérieurs ou à venir. Et ce djinn prétend être l'esprit d'un tel ou un tel. Ceci est une façon de prétendre connaître l'inconnu. 11. Ce que l'on appelle faire le total. C'est considéré comme prétendre connaître l'inconnu et cela consiste à compter le nombre de lettres de ton prénom ou du prénom de ton père ou de ta mère. Puis, tu divises la somme de tout cela par le nombre de mois, de l'année et cela t'annonce soi-disant ton avenir. 12. L'horoscope, que l'on trouve dans les magazines sous le nom de toi et ta chance ou autre. C'est une forme d'astrologie et c'est une façon de prétendre connaître l'inconnu. Ils te disent, si tu es né sous telle constellation, dans telle semaine, alors tu seras malheureux, ou quelque chose comme ça. Le statut de celui qui prétend connaître l'inconnu en soi, c'est un mécréant. Quant à celui qui se rend chez lui, cela dépend. S'il se rend chez lui en croyant qu'il connaît vraiment l'inconnu, que ce soit ce qui est totalement inconnu, ou ce qui est relativement inconnu, alors il est mécréant et sort de l'islam, car il croit que quelqu'un d'autre qu'Allah connaît l'inconnu. Allah a dit, « Dis, nul dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnu à part Allah. » S'ils se rendent chez eux tout en détestant ce qu'ils font et en sachant qu'ils ne connaissent pas l'inconnu, mais se rendent chez eux pour demander un service mondain, il est coupable d'un grand péché et sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. Comme cela fut rapporté dans le Sahih Muslim d'après Hafsa, quiconque se rend chez un devin et lui demande quelque chose, sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. Cela veut dire qu'il n'aura aucune récompense pour ses prières pendant 40 jours. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire la prière durant 40 jours, mais au contraire, il est obligé de la faire. Mais il n'en aura aucune récompense, car son péché lui a pris la récompense de 40 jours de prière. S'ils détestent ce qu'ils font et qu'il est convaincu qu'ils ne connaissent pas l'inconnu, mais se rend chez eux pour se détendre et pour s'amuser, ceci est un grand péché et sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. C'est la même chose pour ceux qui regardent cela à la télévision. 6. Celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé est le cinquième tarout et peut se présenter sous plusieurs formes. 1. Qu'il juge par autre que la loi d'Allah, convaincu que la loi par laquelle il juge est aussi bonne que la loi d'Allah ou meilleure que la loi d'Allah. Ou alors pense qu'il soit permis de juger d'après une loi que celle d'Allah. Ceci est une mécréance majeure comme l'indique la parole d'Allah. Est-ce le jugement des païens qu'ils veulent ? Sourate 5, verset 49. Et la parole d'Allah et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Sourate 5, verset 44. 2. Qu'il juge de temps en temps par autre que la loi d'Allah, lors de certaines affaires exceptionnelles, peu nombreuses. 2. Qu'il juge de temps en temps par autre que la loi d'Allah, lors de certaines affaires exceptionnelles, peu nombreuses, sans s'en référer ni à un code, ni à un règlement inventé, ni à un usage ou une tradition, en sachant que le verdict qu'il donne lors de cette affaire est injuste et interdit, mais le fait en échange d'argent ou par tentation. Ceci est alors une mécréance mineure et ce n'est pas un tarout. Exemple, un juge donne ses verdicts d'après la loi d'Allah, applique toujours la sentence de l'amputation sur le voleur ou la sentence islamique sur l'ivrogne. Il juge constamment d'après la loi d'Allah. Mais il lui arrive parfois et rarement que le voleur qu'il doit juger soit un proche parent à lui, ou que ce voleur lui donne une somme d'argent. Alors il ne lui applique pas la sentence d'Allah, mais le condamne à une peine de prison suivant son désir, et non pas en se conformant à un code ou à un règlement, ou à un usage, ou quelque chose comme ça. Et il avoue en son fort intérieur qu'il est en tort de faire cela. Mais sa tentation ou sa complaisance sont plus fortes que lui. Ceci est de la mécréance mineure, comme l'aurait interprété Ibn Abbas, mais reste à le confirmer, ou comme l'ont réellement interprété les disciples des compagnons, comme Abu Majlis, lors de sa controverse avec les Khawarij au sujet du verset, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. 3. Qu'il juge par autre que la loi d'Allah, en sachant qu'il est en tort de le faire, mais il le fait très souvent, comme dans le cas précédent. Sauf qu'au lieu de juger rarement par autre que la loi d'Allah, il juge souvent par autre que la loi d'Allah dans de nombreuses affaires. Exemple, il n'applique que rarement et de temps à autre la peine de l'amputation de la main sur le voleur. Mais sinon, le plus souvent, il n'applique pas la loi d'Allah et juge par autre que la loi d'Allah. Dans ce cas, c'est de la mécréance majeure. Et la preuve de cela est la même preuve que pour le premier cas. Et pire encore, celui qui juge tout le temps par autre que la loi d'Allah, même s'il avoue qu'il a tort et que le jugement d'Allah est meilleur. Ceci est pour ce qui concerne le statut du juge qui ne juge pas d'après la loi d'Allah. 4. Le cas du juge qui rend ses verdicts d'après la loi d'Allah, mais à qui il arrive, mais rarement, de donner des verdicts en se référant à un code ou un règlement ou un usage ou une tradition autre que ce qu'Allah a révélé. Même une seule fois, en avouant être en tort de le faire. Celui-là est mécréant, même si toute sa vie, il n'a appliqué que la loi d'Allah, mais qu'une seule fois, dans un seul cas exceptionnel, il jugea d'après un code ou un règlement contredisant la loi d'Allah. C'est un mécréant. Et la différence entre celui-ci et celui qui juge dans une affaire exceptionnelle d'après son désir, c'est que celui qui s'en réfère à un code ou un règlement manifeste, ainsi son acceptation des codes inventés par les hommes. Le législateur, qui n'occupe pas le poste de juge, mais qui codifie des lois, sans pour autant les appliquer lui-même. C'est un tarout, même s'il se donne le nom d'assemblée consultative ou autre expression. Ce qui est pris en compte, c'est ce que sont les choses, et non le nom qu'on leur donne. À partir de quand est-ce qu'on donne le nom de législation à une chose, qu'elle soit un code ou quoi que ce soit? Lorsque les conditions suivantes sont réunies. 1. Qu'elles proviennent de l'autorité, comme le roi, le président, l'émir, le directeur général ou le président de l'assemblée. 2. Qu'elles soient mises en application par ceux qui appliquent l'autorité, comme les policiers, les fonctionnaires et les juges. 3. Qu'elles soient formulées en termes généraux, comme « tout voleur sera puni d'une contravention ». Par contre, si c'est formulé en termes personnalisés, comme « si Mohamed vole, alors laissez-le ». Ceci n'est alors pas une loi générale, mais c'est une injustice. Dès que ces trois conditions sont réunies, alors cela sera considéré comme une législation sans que cela ne soit forcément mis par écrit. Même si c'est juste un ordre donné oralement ou même si c'est une coutume répandue ou un usage traditionnel. Nous connaissons maintenant le statut de celui qui ne juge pas d'après la loi d'Allah. Reste maintenant à connaître le statut de celui qui demande à être jugé par une autre loi que celle révélée par Allah, comme ceux qui demandent aux tribunaux non islamiques de les juger. Cela se divise en les catégories suivantes. 1. Se rendre dans ces tribunaux civils en étant convaincu que ces tribunaux sont mieux ou aussi bons que la loi révélée par Allah, ou bien qu'il soit permis de s'y rendre pour réclamer la justice. Ceci est une mécréance majeure. Est-ce donc le jugement des païens qu'ils veulent? Non par ton Seigneur. Ils n'auront pas la foi tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'éprouveront aucune gêne en eux-mêmes concernant ta sentence et qu'ils s'y soumettent complètement. 2. Se rendre à ces tribunaux. Que cela soit souvent ou rarement, ça ne change rien. Quiconque se rend dans les tribunaux civils de son propre choix et de sa propre volonté, en sachant que ce sont des lois humaines, il devient mécréant et sort de l'islam. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t'a été révélé, ce qui fut révélé avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tarout, alors qu'il leur avait été ordonné de le désavouer. Le sixième Tarout. Le Shir ne l'a pas mentionné dans ce livre ici, mais il mentionna dans son texte sur le Tarout et leur principe chef. C'est le juge injuste qui change les lois d'Allah. Il parle de celui qui invente des lois. Ce genre-là est d'office mécréant sans aucune exception. Même s'il invente une seule loi qui contredit la loi d'Allah, même s'il reconnaît au fond de lui qu'il n'a pas le droit de faire cette loi, ni de juger par elle, et même s'il avoue que la loi d'Allah est meilleure, on ne tient absolument pas compte de ce qu'il croit dans son cœur, car la mécréance ici est causée par son acte qui est le fait d'inventer une loi, sans que l'on se préoccupe de ce qu'il y a dans son cœur. La preuve de cela est la parole d'Allah. Ou bien aurait-il des associés qui leur ont légiféré une obéissance qu'Allah n'a jamais voulu? Et la parole d'Allah, ne donnez pas d'ego à Allah alors que vous savez. Ensuite, l'auteur mentionna la preuve qu'il est obligatoire de désavouer le Tarout, c'est la parole d'Allah. Pas de contrainte en religion, la guider c'est discerner de l'égarement. Quiconque désavoue le Tarout et a foi en Allah a certes ses silences la plus solide qui ne peut se briser. Ce verset renferme le sens du témoignage qu'il n'y a pas de vraie divinité autre qu'Allah, et c'est ça que signifie le désaveu du Tarout. Puis le Shir clôtura ce texte en remettant la science à Allah Azza wa Jal, ainsi que la prière et le salut sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ici que se termine la notation sur les trois fondements. Nous implorons Allah d'en récompenser l'auteur et de lui pardonner et d'affermir son commentateur et de lui accorder une part de sa récompense et de ses fruits. Et louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que la paix soit sur notre prophète Mohammed.